Géraldine, dans votre carnet de philo, vous êtes d'humeur passable. On s'est beaucoup moqué, notamment sur les réseaux sociaux, des mentions données aux candidats de la primaire populaire. Bien, assez bien, passable, insuffisant, et même assez bien plus ou passable moins. En cause, le côté infantilisant, scolaire de ce genre de mentions. Eh bien moi, Guillaume, je les aime bien, ces mentions. Déjà parce que ça change des chiffres, même si c'est vrai qu'on en trouve sur le site de la primaire, et puis parce que je croyais qu'on était à la recherche de la nuance et que des plus et des moins, alors que le débat public se clive en extrême, ben, ça peut être quand même pas mal. À nous de faire le tri subtil entre un assez bien plus et un assez bien moins, et à nous même de comprendre d'ailleurs ce que signifie « assez ». Mais à ce jeu-là, je dois dire que c'est encore la mention « passable » qui remporte mes suffrages. Passable, vous voyez, c'est vraiment l'équivalent de médiocre en conseil de classe. Passable, c'est le moyen, ce qui passe tout juste, ce qui peut passer, mais alors c'est quoi précisément? Bah oui, qu'est-ce que le passable? Est-ce vraiment le moyen? Alors voilà, très bonne question, Guillaume. C'est vrai que spontanément, quand on dit passable, on pense d'emblée moyen. C'est d'ailleurs le premier synonyme du mot. Moyen, soit par définition ce qui se situe entre deux extrêmes, ce qui n'est ni bien ni mal, soit une définition assez large, puisqu'il existe tout un éventail quand même de degrés entre le bien et le mal. Heureusement, le moyen, c'est aussi, autre définition, ce qui permet l'accomplissement d'une fin, ce sans quoi un but n'est jamais atteint. C'est l'outil, l'instrument, ce qui fera dire à Kant, à l'inverse, et dans sa morale... Agis de manière à traiter la personne d'autrui jamais seulement comme moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Et c'est vrai que de la même manière, personne n'a envie d'être passable, d'être traité seulement comme passable, mais toujours en même temps comme plus que passable, comme celui qui va nécessairement passer, gagner, être remarqué. En cela, moyen et passable sont vraiment les mêmes, à ceci près qu'une personne qui n'est pas un moyen, hein, peut en revanche être tout à fait moyenne, et donc ne pas passer. Et oui, ce qui est moyen, suivez-moi bien, n'est pas forcément passable, ou pour le dire autrement, si le passable est le moyen qui a les moyens de passer, ce qui est moyen, lui, ne passe pas toujours. Bon, si je vous suis bien, Géraldine, et pour reprendre le lexique de la primaire populaire, le passable a l'avantage d'être un moyen. Oui, un moyen plus, et même un moyen peut-être plus. Au fond, le passable a l'avantage d'être le médiocre qui s'en tire, c'est l'élève qui échappe à la sanction, ou mieux, c'est le moyen utile, c'est le moyen valable, acceptable et autre mot en able. Il faut d'ailleurs se pencher sur tous ces mots en able. Ce suffixe qui marque à la fois la possibilité sans jamais pourtant être véritablement attractif. C'est mangeable, dit-on, c'est potable, c'est convenable, c'est aimable, c'est appréciable, et c'est tout le problème. Pourquoi ne sont-ils pas attractifs tous ces mots en able? Pourquoi dans mangeable, on entend tout de suite le fait que le goût ne soit pas top, avant de se dire que ça nourrit? Et même chose, pourquoi dans passable, on entend que la possibilité qui peut rater et jamais le fait que ça passe? Pourquoi on ne remarque-t-on pas qu'avec le mot passable, on a à la fois la possibilité, c'est possible que ça passe, et l'actualisation? Ça va passer, ou en l'état en tout cas, ça passe. Ce qui nous laisse à cette question... Pourquoi ce qui passe tout juste ne résonne-t-il pas comme ce qui passe non pas de justesse, vite fait, mais avec justesse et bien fait?